à mon avis, il aura des cornes, mon pote. Et il était 14h. Ouais. Et ça rigolait dehors. Et ouais. Ça faisait des allées et venues.